Nation de silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, j'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, c'est l'émission qui écoute le cinéma. On est un petit peu encore en été, un petit peu encore en vacances, donc on va continuer avec les films qui sont sortis cet été et qui parfois sont encore un peu sur les écrans. N'oubliez pas que vous pouvez, comme l'année dernière, retrouver Toiles et Sillons sur internet, sur toilesetsillons.fr, après la diffusion sur votre radio. Vous pouvez retrouver sur le site les émissions à écouter en direct, à télécharger ou bien vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. Toutes les nouvelles émissions y sont depuis la première. Aujourd'hui, c'est la 152e émission de Toiles et Sillons. On va écouter donc un petit peu des musiques des films de cet été. On écoutera aussi d'autres musiques. On va commencer par Peter et Elliot le Dragon, nouvelle version de ce film. Donc au départ, c'est un remake, hein. Le film date de 1977. Là, c'est la version de David Lowery avec Bryce Dallas Howard et Robert Redford. Je vous prépare d'ailleurs une petite surprise pour la fin de l'émission. Si vous avez connu la version originale, restez avec nous. Peter et Elliot le Dragon, la bande-annonce. Et puis juste après, un extrait de la musique signé Irwin Costal. Je me trouvais ici, sur cette parcelle. Mais c'est... À 80 km à l'est. De l'endroit où nous l'avons trouvé. Hé ! Attends, non, reviens ! Est-ce que tu sais où sont tes parents ? Ta famille ? Il devait être parti pique-niquer ou faire du camping, il s'est éloigné, il a dû s'égarer. Il vit dans les bois, seul, libre comme l'air. Un petit garçon comme tu les aimes. Il y est resté combien de temps ? 6 ans. Personne ne peut survivre dans une forêt, tout seul, pendant 6 ans. Tu verras. J'ai Elliot. C'est qui, Elliot ? Il faut que j'aille le retrouver. Il a peur quand je suis pas là. Est-ce que Elliot est... une personne ? Non. On dirait un dragon. C'est quoi, un dragon ? Tu n'as plus à te cacher, Peter. Tu peux vivre avec nous. Cette créature est dangereuse. J'ai pas envie de te quitter, mais les gens vont venir te chercher. Qu'est-ce qui va arriver à Elliot ? Tu ne sais pas de quoi cette créature est capable. Allons chasser. Tu es très courageux, tu le sais. Tu es certainement le garçon le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Appel à toutes les unités. Nous roulons en direction de Millevel Road à la poursuite d'un dragon. C'est un dragon. On ne parle pas de dragon dans un message radio. Thank you. que de nostalgie dans cette musique. C'est le dernier film de Romy Schneider, sorti en 1982, réalisé par Jacques Rouffio. On y retrouvait également Michel Piccoli, Jacques Rouffio qui nous a quitté récemment, La Passante du Sans Souci, musique de Georges Delerue. On va revenir à nos films de l'été. Là, c'est un film qui vient de sortir en e-cinéma, que vous pouvez retrouver sur vos plateformes VOD et également en DVD. C'est un thriller de guerre qui s'appelle Eye in the Sky, avec Alan Rickman et l'incomparable Helen Mirren. On va écouter la bande-annonce de Eye in the Sky, et puis juste après, la musique signée par Paul Epker et Mark Killian. Et après Eye in the Sky, nous avons rendez-vous avec un espion aussi qui, lui, a des petits problèmes de mémoire et qu'on a retrouvé cet été. Découvrez en e-cinéma Eye in the Sky. Voici le colonel Powell. Elle vous accompagnera pendant la capture d'Aisha Al-Hadi, alias Suzanne Danford. Selon nos renseignements, il va y avoir une réunion entre Danford et les numéros 3 et 4 de notre liste de personnes recherchées. Nous pensons qu'ils ont un lien avec le dernier attentat suicide au Kenya. Nos informations indiquent qu'ils seront dans cette maison. Le but de l'opération est de les capturer et non de les tuer. Portée 22 000 pieds. Lieutenant, votre mission est d'être leur œil dans le ciel. À vos ordres. Je dois savoir si Danford est à l'intérieur et qui est avec elle. C'est Danford. Voilà qui change la donne. Qu'est-ce qui se passe? On voit des gilets et un paquet d'explosifs. Quel est le plan, général? Nous avons la possibilité de frapper. Il faut envoyer Hellfire à travers ce toit tout de suite. Le missile est armé. Compte tenu des circonstances, je pense que nous devons annuler. Vous mettez toute la mission en péril à cause d'un unique dommage collatéral. Monsieur le ministre... Il me faut une autorisation légale de frappe. Je suis le pilote aux commandes et seul responsable du lancement du missile. Je ne ferai rien tant que la fillette est dans les parages. L'enjeu est plus important que ce que vous voyez sur votre écran. S'il tue 80 personnes, c'est nous qui remportons la guerre de propagande. Si nous tuons ne serait-ce qu'un enfant, ce sont eux qui gagnent. Et personne ne veut prendre la responsabilité d'appuyer sur la gâchette. On a perdu l'image. Oh bon sang. Il nous faut une décision. Prête. Immédiatement. 3. Allez. 2. Attendez. 1. Eye in the Sky. Le 9 septembre en e-cinéma sur vos services de vidéo à la demande. Exclusivement chez vous. Thank you. Quand vous sortirez de chez nous, vous ne serez plus vous-même. Je me souviens. Je me souviens de tout. Te souvenir de tout ne veut pas dire que tu sais tout. Je t'écoute. On a été piratés. Peut-être pire que Snowden. On a une reconnaissance spatiale. Bon sang, c'est Jason Bourne. Pourquoi revenir maintenant ? Il y a une manifestation devant le siège du Parlement grec. Elle va s'en servir comme écran. Ils t'ont repéré. Il faut qu'on bouge. S'il ne venait pas pour nous, s'il avait d'autres projets. Je me suis engagé sur un mensonge. C'est Jason Bourne. Il faut qu'on parle. 32 morts. Les gens sont plus en sécurité grâce à vos actes. Vous ne trouverez jamais la paix tant que vous n'accepterez pas qui vous êtes réellement. Tour Firebrand sera la plus haute d'Amérique. Tom Brand avait tout, sauf du temps pour sa famille. Il va rentrer quand à la maison, papa? Mais le destin a le chic pour vous faire chavirer. Il y a quelqu'un? Il vous aime bien. Il est attiré par les âmes torturées. Ouais, gardez la monnaie. Allez, les gars. Qu'est-ce que vous dites? À nous de jouer. Non, mais je rêve. Je suis un chat. Comment je peux m'en sortir ? Tu ne t'es pas occupé de ta famille. Tu as une semaine pour te rapprocher d'elle. Sinon, tu garderas toute ta vie cette apparence. Ah ! Écrire un message. Cher Lara, il semble que je sois piégé dans la peau d'un chat. Ah ! T'as faim ? Bon appétit. Tu dois être sage. Ce chat n'est pas castré. T'as pas intérêt. Et hop ! Ciao ! Et hop ! Ma vie de chat. Ce chat est trop bizarre. Faut que je leur montre que je suis humain. En forme, Jeff. Ton blouson beige est en train de m'allumer à mort. Oh. Je voulais parler de mon vagin. Cette femme est une plaie. Au revoir, Jeff. Oh, regardez, c'est la mère bizarre qui sort pas de chez elle. Mais comment est-ce qu'elle s'habille? Hey, les filles. Mathieu a passé la nuit à me vomir dessus. Tout va bien, même si j'ai pas beaucoup dormi. Quel malheur, sa tristesse va déteindre sur moi. Et voici Amy. Tu arrives à abandonner tes enfants pour aller travailler? Oui, c'est dur, mais j'ai aussi besoin de choses comme... un peu de pognon? Eh oui. À tout à l'heure. Non, elle travaille tellement, ça m'épate. Cette fille travaille tellement. Oui, c'est ce que je viens de dire, Vicky. J'ai 4 minutes pour déposer Roscoe chez le veto. Ça devrait aller. C'est grave à la bourre pour la réunion marketing. Je le crois pas, je vais être en retard à mon premier entraînement de foot de l'année. C'est une mauvaise journée. Il peut rien m'arriver de pire. Merde. Bon, j'ai organisé cette réunion d'extrême urgence pour éradiquer définitivement ce fléau qui affecte la santé de nos enfants. Le terrorisme. La vente de gâteaux. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que j'entends ? Je suis désolée, j'en ai marre. À notre époque, c'est impossible d'être une mère parfaite. Soyons des mères indignes. Ah, ça me branche. Aux mères indignes. Ça récuisse, on voit tout. Amy, salut. J'appelais pour savoir si tu voulais te faire un ciné avec moi aujourd'hui. Pourquoi on a le droit de faire ça? C'est littéralement la meilleure journée de ma vie depuis que je suis née. Bonne journée, mes amours. Salut, Amy, on a une petite réunion de parents d'élèves, on t'y verra? Non. Bye. Je dirige cette école, alors personne ne va en classe ou se met à jouer de la clarinette sans que je donne mon accord. Cette fille est un despote, il faut qu'on déglingue les mères parfaites. Je dis qu'il faut qu'on frappe cette bâtarde en plein dans les nibards. Ouais. C'est la meilleure réunion de parents d'élèves. J'ai connu qu'un seul pénis depuis que je suis sur le marché. Et si je tombe sur quelqu'un qui est pas circoncis? Je vais te montrer. Là, okay, c'est le bout du pénis. Tu vois, tu mets le tout en arrière et tu fais un aller-retour. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Dis-toi que c'est un immense clito masculin. T'as qu'à sucer, tu vois, tu colles ta bouche en plein dessus et après... Je vais plus jamais porter ce gilet, les filles. Oh putain! Mais tu l'as piqué à ta mère? Ça, c'est mon soutif hyper sexy. C'est un mononichon. Il est par balle? C'est carrément par bite. C'est si moche. Ah, ça bouge. Arrêtez. Mais c'est très confortable. Thank you.

Sorti au mois de janvier, c'était un extrait de la musique du film Paris Willoughby, le film de Quentin Reno et Arthur Delaire. Musique signée Gauche. Et puis juste avant, eh bien, on a un peu de mal à imaginer quand on était fan de la série That 70s Show que Mila Kunis a maintenant l'âge de jouer les rôles de maman d'ado, ce qui était le cas dans Bad Moms, le film qui est sorti cet été, réalisé par John Lucas et Scott Moore. On a entendu un extrait de la BO signé Katie Tunstall et Christopher Lenn. Et puis juste avant, c'était Ma vie de chat, un film avec Kevin Spacey. Je vous propose maintenant d'écouter la musique d'un film, d'un thriller psychologique qui est sorti au mois d'août, Nerve, un film d'Ariel Schulman et Henry Joost avec Emma Roberts et Dave Franco, un thriller donc. Et puis juste après, je vous en parlais la semaine dernière, la nouvelle version de SOS Fantôme, Ghostbusters, réalisée par Paul Feig avec un trio de filles, cette fois-ci Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Kate McKinnon. La musique est signée Théodore Shapiro. Bienvenue à Nerve, un jeu comme vérité ou conséquence sans la vérité. Les voyeurs paient pour regarder, les joueurs jouent pour gagner argent et gloire. Êtes-vous un voyeur ou un joueur? Êtes-vous un voyeur ou un joueur? Êtes-vous un voyeur ou un joueur? Voyeur, joueur. C'est cool, non? Je trouve que ça a l'air louche. Est-ce que c'est légal? Tu profites pas de la vie. Faudrait que tu prennes des risques de temps à autre. Hé, hey, de quoi tu parles? Je prends des risques. Ok, tu vas jouer à Nerve. Tu acceptes ton défi? Joueur. On brasse un inconnu pendant 5 secondes? Oh, embrasse ce gars-là. Ok. Ok, bye. Va en ville avec lui. Il semble que les voyeurs veulent que je fasse équipe avec toi. Je crois pas que je ferai une très bonne partenaire. Reste, t'es pas curieuse de voir la suite? Ok. Défi accepté. Est-ce que c'est vie? Est-ce cette robe? Où est-ce que je peux trouver cette robe? Mon portefeuille, mes vêtements, tout a disparu. Toutes mes affaires aussi. Quitter le magasin. On s'en va. Je veux pas commettre un vol. On n'a pas le choix. Dans les faits, ça dit seulement de quitter le magasin. Je suis un fan. Bouge pas, il manque un A, papa. Quoi? Il plaisante. Ouais, 10 000 dollars, yo. Tu sais qu'un gars de Seattle est mort en jouant à ce jeu? Et si je refuse de le faire? Tu perds tout. Tout notre argent a disparu. Attends, maman, quoi? Monsieur l'agent, j'ai besoin d'aide. Vie, ne fais pas ça. Vous savez comment je m'appelle? C'est quoi cette histoire? Les voyeurs ont volé notre identité. On est devenus prisonniers du jeu. Vie, nous contrôlons ta vie. La seule issue, c'est la victoire. Oublie pas, c'est toi, mes yeux. Ils vont pas le faire. Joueurs, montrez-nous vos armes. We'll be right back. Dean Gilbert, docteur en physique des particules. Ah, j'en avais partout, des pieds à la tête, même dans les plis. Et ça part pas comme ça. Nous avons consacré nos vies à l'étude des phénomènes paranormaux. Et voilà que les cas se multiplient un peu partout. Les gens ont besoin de nous, on nous réclame. Gillian, tu es ingénieur de très haut niveau. Oh ! Erin, en physique quantique, personne ne t'arrive à la cheville. Je fais toujours ça. Je m'inscris au club, je connais bien New York. Bienvenue ! Bonjour, c'est pour le poste d'agent d'accueil. Ah, vous êtes engagé. C'est parti. C'est parti. Oh, tu voulais... La prochaine fois, c'est toi qui... Oui, oui, d'accord, la prochaine fois. Quelqu'un est en train de mettre au point un amplificateur de phénomènes paranormaux. Il faut qu'on invente quelque chose pour affronter ces satanés fantômes. Dégommez-les ! Patty, tu t'occupes de l'orchestre. Moi, je monte au balcon. On y va ! Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie, mais je suis en pétard, ça y est. J'ai demandé à Kevin de nous proposer quelques idées de logo okay. pour notre com. Oh, j'ai peur que ce soit pas très bon pour notre image. Si ce sont les seins qui ne conviennent pas, je peux les faire plus gros. Mon père a rejoint Starfleet parce qu'il y croyait. Moi, sur un défi. Tu l'as imité pour voir si tu pouvais faire aussi bien. Tu as passé tout ce temps à essayer d'être ton père. Et aujourd'hui, tu te demandes qui tu es vraiment. Ce n'est pas si rare, vous savez. Il y Il est facile de se perdre. Dans l'immensité de l'espace, il n'y a que vous, votre vaisseau, votre équipage. Vous tenez vraiment à y retourner, hein? C'est quoi ça? On nous attaque. Abandonnez le vaisseau! C'est pas vrai. Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous sommes tous là. Notre capitaine viendra nous chercher et il ne fera preuve d'aucune pitié. J'espère bien et je l'attends. La peur de la mort est illogique. La peur de la mort est ce qui nous maintient en vie. Tous ceux qui vont là-bas, ils les tuent. Mais là, ce sont nos amis. On va pas les lâcher comme ça. L'union n'est pas votre force, c'est votre faiblesse. Je crois que vous sous-estimez l'humanité. Accrochez-vous! Feu à volonté! Maintenant! Vous permettez? C'est son fauteuil. À l'instant, nous avions Jean-Claude Van Damme dans toute sa splendeur en 1992. Il était assisté de Dolph Lundgren dans ce film de Roland Emmerich, Universal Soldier. La musique était signée Christopher Frank. Et puis juste avant, c'est le nouveau Star Trek qui est sorti il y a quelques semaines, Star Trek Sans Limite. Il est réalisé par Justin Lin et la musique est signée Michael Giacchino. On arrive à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons, le numéro 153. Mais d'ici là, n'oubliez pas le site internet toilesetsillons.fr pour retrouver votre émission à écouter en direct, à télécharger ou à podcaster. toilesetsillons.fr. Il y a également la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons pour être tenu au courant de ce qui se passe dans l'émission chaque semaine. Je vous l'avais promis au début de l'émission, il y a le nouveau Peter et Elliot le Dragon qui est sorti, on a écouté la musique, mais en 1977, pour tous les quadragénaires, quinquagénaires même, eh bien ça reste ce film de 1977 sorti en 1978 en France, réalisé par Don Chaffee. Don Chaffee, grand spécialiste des films d'effets spéciaux, des films de science-fiction à l'époque, avec la vedette Mickey Rooney, la chanteuse Hélène Reddy et le jeune Sean Marshall. C'était un film Disney, bien sûr, avec Elliot le dragon, ce gros dragon tout vert. On va se replonger dans l'ambiance de ce Peter et Elliot le dragon version 1977 avec la bande-annonce. Et puis un extrait de la BO, la chanson The Dragon Song, signée Bunny Prince Billy. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Il arrive! Il est là, votre nouvel ami. Il est fantastique! Il s'appelle Elliot et c'est un dragon super magique. Dragon ! Parfois, il est invisible. Non, monsieur le dragon, tout doit disparaître. Mais souvent, il est bien là. Une production Walt Disney. Peter et Elliot le dragon. Déchaînés. Courage, Elliot ! On compte sur toi ! Du suspense. Un bateau fonce sur le récif. Un drame de la mer. Non, non, attention, Elliot. Si, si. Elliot, je vais te donner une bise sur le bout du nez. Ellen Reddy, dans son premier grand rôle à l'écran. Il y a une véritable fortune à faire avec ça. Jim Dale, le docteur Terminus. Propulsé au firmament du cinéma. Avec Mickey Rooney. Hey. Hey. Ah, tu sais que tu as une mine épouvantable. Red Buttons. Ne me rôtissez pas. Shelley Winters. Et Sean Marshall, Peter, un petit garçon dont le fidèle ami est un dragon nommé Elliot. Je t'aime beaucoup. Seules les productions Walt Disney pouvaient vous offrir ce grand spectacle où un dragon succède à Mary Poppins et où tous les personnages sont irrésistibles. Ouais! Suivons toujours et toujours le vent qui court. Le nouveau grand Walt Disney, Peter et Elliot le dragon. Un chef-d'œuvre où tout est exceptionnel, puisque c'est un dragon super magique qui sème le bonheur autour de lui. Go north with the wings on your feet. Go north with the wind where the three rivers meet. There's a clearing of sorts in a circle of trees where the wild constellations shine one, two, and three. Look all around you and see. Deep in the forest there dragons will be. They come from the earth, yes, they come from the stone. The icy cold north, that's where they call home. Go where the mountain kisses the sea. Better be brave, far braver than me. Look all around you and see. Deep in the forest there dragons will be. If a dragon should find you, you might ought to run. No one has lived through such a run-in, not one. So if you hear a roar, goodness sake, leave them be. Up where you find them wild and free. Look all around you and see. Deep in the forest there dragons will be. Look all around you, you won't find. Tourne silence. And the Oscar goes.